tanto, sai come. Senti, io fico perdido. Sigo só sendo mais Como te fa, como uma teca. Sem ma, como uma teca. Se na parte te teca. Fa, como te.

ciel. Voilà donc, il est 13h et bientôt 40 minutes. Et bien voilà, bonjour tous à vous toutes. Voici donc le retour pour l'émission Business comme tous les vendredis, tout simplement, jusqu'à 16h. Voilà aussi, j'espère que vous avez passé une très bonne matinée. Donc, bien, nous sommes déjà à la fin de la semaine. Juste à l'instant, on a pu entendre un morceau portugais qui sera tout simplement, et bien là, le 5 novembre, tout simplement, à la salle Mentition. Voilà donc, merci, je vais te passer une bonne après-midi à ma compagnie. Donc, bah, je vous laisse avec les chansons, tout simplement, toute différence. Déjà avec Kimé, le titre c'est Balance-toi. Et puis juste après, Franck Michael, J'aime toutes. Pour tout le monde, ça danse en cadence, alors fais comme tout le monde. Balance-toi, c'est bon ça. Tout le monde, ça danse en cadence, alors fais comme tout le monde. Balance-toi, c'est bon ça. On people se libère, ça lance les hostilités et d'un coup tout s'accélère. Tout le monde est dans la vibe, pas besoin d'être millionnaire. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on est sur le même pas. La petite bourgeoisie avec la France d'en bas. Ici c'est le fire, lève les mains et mets le fire. L'ambiance est bombastique, prends ton pied, amuse-toi. Y'en a pour tout le monde, ça danse en cadence, alors fais comme tout le monde. Balance-toi, c'est bon ça. Tout le monde, ça danse en cadence, alors fais comme tout le monde. Balance-toi, c'est bon ça. On s'avance, on s'avance, on il y a mal donne. Et ici la jeunesse est en accord. Oh, oh, oh. Et elle en redemande encore et encore. C'est pour les routes, voyez les cales. Les BCBG, le mix pour les racailles. Tout le monde est en accord, ça fait un score. Les pêches, j'ai bye bye. Et même si ça leur fait mal, on continuera à être au petit châle. On a la bougue et le mental, c'est phénoménal. Everybody! Y'en a pour tout. C'est bon ça, y'en a pour tout le monde, y'en a pour tout le monde, y'en a pour tout le monde, y'en a pour tout le monde. La fille timide aux yeux bleus qui rougit un peu. La femme épanouie

voici donc que je laisse avec Lena Cort avec Playa, Playa. amour de FM. Et voici en duo Elton John.

ser mato de outro filho. Gente que vai andar com passo, dissemba e funaná, e celebra a vida. Já sabe que na casa de na bairro prenda, de samba e zanga. Thank you. você melhor sabes. Eu lembro de ti, sempre que posso eu mando. Tu mandas-me também, que bom mandamos as tuas palavras lindas a alguém. Mandei-te uma de manhã, mandei-te outra tarde. Mandei-te duas à noite somente para lembrar. Para lembrar que eu quero e lembrar quem eu sou. Passei o dia inteiro a mandar mensagens de amor. Mandei-te uma de manhã, mandei-te outra tarde. Mandei-te duas à noite somente para lembrar. Para lembrar que eu quero e lembrar quem eu sou. Passei o dia inteiro a mandar mensagens de amor. Mandei-te uma pequenina para te lembrares de mim. O dia começa melhor, sabes. Eu lembro de ti, sempre que posso eu mando. Tu mandas-me também, que bom mandamos as tuas palavras lindas a alguém. Mandei-te uma de manhã, mandei-te outra tarde. Mandei-te duas à noite somente para lembrar. Para lembrar que eu quero e lembrar quem eu sou. Passei o dia inteiro a mandar mensagens de amor. Mandei-te uma de manhã, mandei-te outra tarde. Mandei-te duas à noite somente para lembrar que eu quero e lembrar quem eu sou. Passei o dia inteiro a mandar mensagens de amor. Mandei-te uma de manhã, mandei-te outra tarde. Mandei-te duas à noite somente para lembrar. Para lembrar que eu quero e lembrar quem eu sou. Passei o dia inteiro a mandar mensagens de amor. Mandei-te uma de manhã, mandei-te outra tarde. Mandei-te duas à noite somente para lembrar. Para lembrar que eu quero e lembrar quem eu sou. Passei o dia inteiro a mandar mensagens de amor. Mandei-te uma de manhã, mandei-te outra tarde. Mandei-te duas à noite somente para lembrar. Para lembrar que eu quero e lembrar. Passei o dia inteiro a mandar mensagens de amor. Mandei-te uma de manhã, mandei-te outra tarde. Mandei-te duas à noite somente para lembrar. Para lembrar que eu quero e lembrar quem eu sou. Passei o dia inteiro a mandar mensagens de amor. Arc-en-ciel. Voilà donc, on a pu écouter trois morceaux portugais. Voici donc que je laisse avec Soprano. Mon linge sale en public, pourtant ma vie c'est un scénar de Stanley Kubrick. Je compte plus les briques que la musique me rapporte. Tout ce que je fais c'est pour combler le temps de vie que Dieu m'accorde. Fortuné en souci, peur de la faucille, l'époque sans le roussi. Dictature des states jusqu'en Russie, la justice est morte. Mais où est son autopsie? Si on préfère regarder le monde avec l'œil de paparazzi. Ça moisit au fond du cellule pour de la résine. Pendant que les polandes qui font du ski, qu'on pesque. Je prends de la hauteur à tout ça pour garder mes valeurs loin de tout ça. Sur une presqu'île, je rêve de me faire la belle. Combrelle, combien de repères on perd quand on opère auprès de belles. Ces putes, leurs belles réputes cachent souvent de belles poubelles. T'étonne pas si un jour je ne réponds plus. Avant que je perde la tête, que je perde mes ailes, faut que je fasse un tas d'oseilles. Que je ramène les miens loin de la zone, près du soleil. Le monde est foiré, qui pourra sauver tout ça? Moi je ne sais pas. Hollywood nous a menti, Superman n'existe pas. Chacun sa vie, son ressenti. Je peux pas te faire la morale, j'espère rester humain, même si demain j'ai le pouvoir d'un monarque. Mes cordes vocales sont les secours dans mon arc. Faust Hunty, tout le monde se sent comme un Oklahoma. Chaque réussite a son prix, chaque échec est une leçon. Dehors j'aime pas le bruit, pourtant je travaille dans le son. Je suis pas un gangster, je suis gentil, mais mes frérots le sont. Je peux pas leur en vouloir comment remonter quand t'as trouvé le fond. Oh. Y'a autant de ténèbres dans nos vies, gros. 4 nuages fumés dans le bendo. Cette année je m'exporte, j'explose. Je ressens plus rien mais la musique me fait quelque chose. En temps de guerre, les bâtiments s'effondrent. Les monstres n'ont plus de travail depuis que les hommes se comportent comme des monstres. J'ai foi en moi donc j'investis, ça peu importe le prix. Parce que celle-ci n'est pas suffisante, il faut une autre vie. Parce que celle-ci n'est pas suffisante. Avant que je perde la tête, que je perde mes ailes, faut que je fasse un tas d'oseilles, que je ramène les miens loin de la zone près du soleil. Le monde est foiré, qui pourra sauver tout ça? Moi je ne sais pas. Hollywood nous a menti, Superman n'existe pas. We'll be right back.

dark and cold. It's so much fun there, that's the thought. Kept drinking vodka, never eat more. Threw me stairs and counts to one. He knocked me up, he was all big. Ruling Russia, gave him a kick. Although he's burning, dead and gone. He still tells the story of Genghis Khan. Céline Dion et Goldman, du coup, à Véro. Et juste après, c'est Berlin. Chez moi, les poils se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux déclenchent sans violence et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux. J'irai

la tienne, à la tienne, à la tienne, à la tienne, à la tienne, à la tienne, à la tienne. Ne me parlez pas de guerre, je me bats que pour la paix. Non, je vais pas mentir les frères, je me bats aussi pour ma paye. Pour pouvoir bien s'habiller, il faut pièces de billets. La vie est filtrée, maquillée. On doit pas s'éparpiller, on doit pas se diviser. On doit relativiser, même si la plupart sont chelous. D'après ce que mon petit doigt me disait, le karma nous dira la suite. Le karma nous dira la suite. Ah oui, affaire à suivre. On s'appelle après l'orage. Tu sais, mon sourire en dit long. Ah, mon sourire en dit long. On souffre en silence. Et comme à mon birthday, yeah, on se met à l'aise. On se met à l'aise, on sourit mais nos cœurs saignent. On fait avec, on fait avec. On est tous fatigués, on veut juste kiffer. Si l'addition est sale, c'est pas grave, on sait ça. Cette fois-ci, c'est la bonne, on va tout péter ça. Nico, j'ai trop de problèmes et je vais pas les étaler. À la tienne, à la tienne, à la tienne, à la tienne, à la tienne, à la tienne. À la tienne, à la tienne, à la tienne, à la tienne, à la tienne, à la tienne, à la tienne, à la tienne, à la tienne, à la tienne, à la tienne, à la tienne. Des peines qu'on peut écrire, des mots qu'on sait pas dire. J'essaye mais je t'aime en silence. Par pudeur ou par fierté, des sentiments mêlés. Je navigue à contresens. J'ai le cœur qui fait mal, une douleur qui s'enflamme, que même l'ivresse ne soigne pas. Chérie, j'ai le vague à l'âme. Tu me manques, oui j'ai mal, mais je te rappellerai même pas. Et le temps s'en va, oui le temps s'en va. Fier, même si ça m'éloigne de toi. Quand il faut parler d'amour, je prends le large comme bouteille à la mer. Ne pense pas que mon cœur est sourd. Quand tu souffres, je souffre avec toi. Et le temps s'en va, oui, le temps s'en va. Et je ne parle pas. Et la vie sans toi m'a laissé sans voix. Donc je te dirai même pas. Car je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime.

Voici donc que je vous laisse avec Christophe Willer. Le titre s'appelle tout simplement eh bien, Dans le regard de l'autre. Dans le regard de l'autre, j'ai cherché un repère, j'ai cherché à me plaire, j'ai cherché des apôtres. Dans le regard de l'autre. Et puis juste après lui, on écoutera tout simplement Amir. Une lumière a brillé, une manière de m'aimer, dans laquelle je me vautre. Dans le regard de l'autre. Ne reste qu'un miroir pour ajuster ma danse, pour maquiller l'histoire, jouer des apparences. Dans le regard de l'autre, j'ai plongé tout mon corps. Et le soir je m'endors en soupirant mes fautes. Dans le regard de l'autre, mon amour propre a pris sa place en catastrophe, en cataplace. Dans le regard de l'autre, je fais mon numéro, je compte encore qui est le plus beau, qui est le plus fort. Je joue la comédie, simplement une page qu'il faut tourner. Tu dis que passent les peines, que l'on peut vivre quand même quelques mois, quelques semaines. Toi que tu emportes comme une colombe morte toute ma vie, que l'adieu que tu me donnes n'est pas reçu par un homme, qu'un bel amour abandonne et qu'il oublie. Tu le sais, la vie c'est une histoire d'amour. I love you. De rien, à peine un regard échangé. On était deux étrangers qui se connaissaient bien. C'est parti de loin. Je ne voulais pas me dévoiler, mais ma pudeur tu l'as volée. Le ciel en est témoin. Combien de jours, combien de joies, c'est pas très grave si on... Voilà donc, il est tout simplement eh bien, 15h55, et bien voilà. Donc eh bien, l'émission touche à sa fin. Bien de gens diront qu'on s'aime obstinément, mais ça m'amuse, m'amuse, on n'est pas prêt. Cette chanson-là qu'on va se quitter, qu'on va se retrouver prochainement, voilà donc, eh bien aussi, j'espère que vous passez une bonne midi et que vous allez passer tout simplement une bonne fin d'après-midi et un bon week-end. Et puis n'oubliez pas que tout simplement, il faudra tout simplement penser à reculer d'une heure, tout simplement, le week-end. Voilà donc, eh bien, je vous dis bonsoir à tous, c'est vous tous. Et sur moi, et ça finira jamais, ça finira jamais, ça finira jamais. Qu'on se va bien, comme lèvres douces et peau salée, comme quand nos corps se laissent aller, l'océan est témoin. J'aime tes manies, notre magie, ta façon d'être mon ami. Je suis pas superstitieux, mais t'es la chance de ma vie. Et si demain on n'avait plus rien, je te dirais pas adieu, mais merci d'avoir laissé dans mes tempêtes une belle éclaircie. Sur moi. Ça finira jamais, ça finira jamais, ça finira jamais. Ça finira jamais, ça finira jamais, ça finira jamais. Du jour, je rallumerai les...

Qui se passe

96.2. La FM en couleur. Si tu la parla miez americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene in capo di I love you. Papà l'americano. pichita va bene. Si tu la parla mi è americano. Quando si fa la mola sotto la luna, come da bene in cave di I love you. Papà l'americano.